Chapitre 5e. Séraphin Barle était déjà bien connu de la justice et le parquet instruisit l'affaire. Quant au père Meffre, malgré son passé peu édifiant, il fut inhumé dignement et le curé Bise prononça une homélie basée sur le pardon et le rejet de la violence. Les gens furent bien étonnés de voir une Hortense sincèrement éplorée, semblant inconsolable, elle qui laissait entendre qu'elle abhorrait son père. Finalement, on réussit à pleurer raisonnablement à cet enterrement, une bonne pleureuse, en faisant pleurer 10 autres. Le procès de Séraphin eut lieu à Digne, après une enquête rondement menée, instruite uniquement à charge. Aucun des jurés ne voulait croire l'histoire abracadabrante que le prévenu s'évertuait à raconter. Les tiers étaient connus pour des personnes fiables, sociables et honnêtes. Le récit de Séraphin détonnait complètement avec leur réputation. De plus, certains se plaignirent de larcin que l'on s'empressa d'attribuer à l'étrangleur, comme on l'appelait désormais. « Monsieur le Président, s'écria Séraphin, je n'ai pas tué Meffre. Quand je suis parti, il était encore vivant et debout. Je l'ai secoué une ou deux fois, c'est vrai, mais pas comme un prunier, et je ne l'ai pas étranglé, comme le prétend cette folle. Et puis, pourquoi n'est-elle pas sortie de sa cachette? Je ne lui aurais pas fait de mal, et il aurait bien vu que son père était en vie. Pourtant, le témoin prétend que vous avez étranglé Meffre. « C'est faux, elle ment, monsieur le Président. Je l'ai secoué parce que Garcin m'avait demandé de le faire. Il m'a même payé pour ça. Je l'ai raconté 100 fois aux gendarmes et aux juges. Pourquoi vouliez-vous que je tue Meffre? Il ne m'avait rien fait à moi. Je n'aurais jamais accepté de le tuer. Sa fille en a menti. Ça ne s'est pas passé comme elle l'a dit. Meffre ne m'a jamais proposé de tuer quelqu'un. Il m'a donné quelques louis pour que je lui foute la paix. Pour le reste, cette folle a tout inventé. » « Alors pourquoi autant d'argent dans vos poches ?» demanda l'avocat général. « Ben, c'est mes sous, pardi. Je n'ai pas de compte en banque, moi. Je porte tout ce que j'ai avec moi. »« Soit. Mais pourquoi vous acharnez-vous à charger Garcin ?» demanda le président du tribunal. « Est-ce parce qu'il a été décoré dans l'armée alors que vous avez passé tout votre temps en prison ? C'est la jalousie qui vous fait parler, mon pauvre garçon. Monsieur Garcin, confirmez-vous les dires de l'accusé ?»« Non, monsieur le président, je ne comprends pas. » répondit Garcin d'une voix blanche. Séraphin se laissa tomber sur son banc, totalement accablé. Le président reprit. « D'après nos renseignements, vous avez déjà assassiné en Algérie. Le meurtre ne vous fait pas peur, Séraphin Barle. Vous me permettrez d'être plus enclin à croire, Mademoiselle Meffre et Monsieur Garcin, que vous-même. » Puis le président du tribunal appela à la barre le médecin légiste. « Docteur, j'espère que vous allez nous apporter quelques lumières sur les causes de la mort, car sur ce sujet, la cour est plongée dans la plus grande ignorance. » Le légiste présenta ses conclusions avec une clarté et une précision qui firent le bonheur de l'assistance, avide de macabres détails. « D'abord, je dois préciser tout de suite que je n'ai pas relevé de marque de strangulation sur le cou du mort. Par ailleurs, l'autopsie montre que M. Meffre avait un cœur extrêmement fatigué. De plus, l'étude du cerveau, frémissement de l'assistance, révèle de petites zones hémorragiques qui prouvent que M. Meffre a dû faire de petits incidents vasculaires cérébraux. Pour moi, il n'y a pas eu d'asphyxie car les poumons ne présentent pas de traces de cyanose. Soyez plus clair, docteur. La cyanose des tissus est un des signes de strangulation, de pendaison ou d'asphyxie, monsieur le président. Donc il n'a pas été étranglé ou asphyxié, c'est bien cela. Exactement. « Bon, mais alors, d'après vous, de quoi est morte la victime? C'est ce que nous voulons savoir, docteur. S'il a été secoué fortement, comme le prétend mademoiselle, il est possible que ça lui ait provoqué une poussée de tension, une accélération du rythme cardiaque. Vu l'état de son système vasculaire, l'émotion a pu lui déclencher une rupture d'anévrisme, d'où une perte de conscience et un arrêt de cœur au bout de quelques instants. Ça correspond à ce que mademoiselle Meffre a décrit sur l'absence de réaction de son père. À dire vrai, M. Meffre était de toute façon condamné. Oui, mais cela n'autorisait pas Barle à l'assassiner. Je vous demande pardon, Monsieur le Président, je n'ai pas dit que Barle l'avait assassiné. » L'assistance réagit par un brouhaha. Le président frappa de son marteau pour réclamer le calme. « Silence !» Continuez, docteur, et je vous dispense de vos considérations. Meffre a-t-il été tué, oui ou non? Répondez à cette question. En conscience, « je ne peux pas y répondre, monsieur le président. » L'avocat de Séraphin se manifesta alors pour la seule et unique fois. Il demanda à interroger le témoin. « Docteur, si on avait porté secours à M. Meffre lorsqu'il a eu cette attaque, aurait-il pu être sauvé ? Je suis désolé, mais à cette question non plus je ne peux pas répondre. Peut-être oui, peut-être non. Si c'était pour le secouer ou lui donner des gifles pour qu'il revienne à lui, je dirais non, sans aucun doute, car cela aurait accéléré son trépas. En tout cas, ce que dit l'accusé est plausible. Meffre a pu avoir son accident juste après son départ. Il pouvait donc être en vie quand Barle a quitté la ferme. C'est possible, oui. Si je vous suis bien, il n'y aurait pas de rapport direct entre le fait d'avoir été secoué et l'hémorragie cérébrale. En effet, il n'y a pas de rapport mécanique direct. D'après les dires du témoin et la déclaration de Barle, M. Meffre n'a pas été secoué suffisamment pour provoquer ses lésions cérébrales. Ces lésions proviennent de son état général et de l'émotion qu'il a éprouvée. Bien. La Cour vous remercie, docteur, mais votre témoignage n'apporte aucun élément probant à l'affaire, rétorqua le président agacé. L'avocat de la défense, jeune débutant, ne fut guère convaincant. Au lieu de s'appuyer sur l'absence de preuves et la relative fragilité du témoignage, il relata la vie difficile de Barle, enfant de l'assistance. Alors qu'il aurait fallu plaider la violence légère, il rechercha les circonstances atténuantes en essayant de faire larmoyer le jury. On aurait pu croire qu'au fond de lui-même, il était pleinement convaincu de la culpabilité de son client. L'avocat général donna l'estocade. « Messieurs les jurés, pensez-vous sincèrement qu'un tel homme soit amendable ? Je rappelle que l'accusé, Séraphin Barle, était déjà recherché pour une tentative de meurtre sur la personne d'un bijoutier de Marseille. Peut-il, après de multiples récidives, être réinséré dans la société ? Je vous le demande. Pour moi, messieurs les jurés, ma conviction est faite. Vous devez préserver la société d'un tel fléau. » Le jury était composé d'hommes simples, dont certains avaient eux-mêmes subi des agressions de vagabonds. Pour une fois qu'on en tenait un, vu ses antécédents, Séraphin Barle ne bénéficia d'aucune circonstance atténuante et fut déclaré coupable d'extorsion de fonds avec meurtre. La préméditation ne fut pas reconnue. Il l'écopa ainsi de 8 ans de bagne. Comme toujours à l'époque, on savait que sa peine serait doublée par l'administration pénitentiaire qui prescrivait à l'ancien condamné de rester à Cayenne pour une durée équivalente à celle effectuée en détention. À l'énoncé du verdict, Garcin chancela un peu et devint blanc comme un linge. Au sortir du tribunal, les avis étaient partagés et l'assistance resta dans le doute. On en parla quelque temps, puis la vie reprit son cours normal. Le procès terminé et la mort du père Meffre suffisamment éloignée, les promis purent enfin convoler. Ce fut un mariage discret, ni l'un ni l'autre n'ayant de famille et leurs amis étant bien rares. À l'auberge du coin, on fit tout de même un déjeuner respectable, au cours duquel quelques remarques acerbes fusaient sous le manteau. « Hortense a fait comme sa mère, elle s'est acheté un mari », disait une grosse femme. « Ouh, mais Garcin, ce n'est pas Meffre, il est finaud le gaillard. Et puis Hortense non plus n'est pas comme sa mère, pas folle la guêpe. Vous verrez qu'ils vont aller loin, ces deux-là. »